méchant et le monde est méchant. Le monde est ingrat et le monde est ingrat. Donc c'est la paix mingili kamoya moya situation change à kateo. Nous allons qui va na mi que patience kakato komi konuna e. Nous patience mingi va promesse kakato koyande kosila e. Et ma voix mama. Et ma voix quoi ni mama. Le monde est méchant le monde est méchant. Le monde est méchant le monde est méchant. Le monde est ingrat le monde est ingrat. Tout est la paix mingili kamoya moya situation change à kateo. Tout à la kibana mike patience kakato komi konuna e. Tout patience mingi ba promesse kakato koyande kosila e. Et ma voix et ma voix mama. Et ma voix ma voix quoi ni mama. Biso to mesana koloba mingi te okaka mosala. Biso to mesana koloba mingi te okaka mosala. Soki okosaka mwana mokolo mosusu akokosa yo e. Soki okosaka mwana mokolo mosusu akokosa yo e. Mbwa kimaka moto ya mesana kobeta ye libanga. Mbwa kimaka moto ya mesana kobeta ye libanga e. E ma voix e ma voix mama. E ma voix e ma voix mama. Le monde est méchant le monde est méchant. Le monde est ingrat le monde est ingrat. Tout c'est la paix mingili kamoya moya situation change à kateo. Tout à la kibana mike patience kakato komi konuna e. Tout patience mingi ba promesse kakato koyane kosila e. E ma voix et ma voix mama. Et ma voix ma voix kwa ni mama. Kakutu na loba nini e ndeko na nga ndombe. Nga penza na loba nini e ndeko na nga mangwana. Nga lowai na loba nini e bebe climatiseur. Banoko bakoma makelele lokola ngonga. Ngonga soki epeti makelele lokola esila te. E ma voix e ma voix mama. E ma voix e ma voix mama. Le monde est méchant le monde est méchant. Le monde est ingrat le monde est ingrat. Tout est la féminine, kamoya moya situation change à kateo. Tout à la kibana mike patience kakato komi konuna e. Tout patience mingi ba promesse kakato koyane kosila e. E ma voix e ma voix mama. E ma voix ma voix kwa ni mama. La révolution ne doit plus somnoler à la vigilance. Oh yes. Qui est de qui? méchant, le monde est méchant. Le monde est ingrat, le monde est ingrat. Tous les latins, les gilets, les la situation change à Kateo. Tous les latins, les amis, les patients, les kakato, les comiques, les nounaïs. Tous les patients, les amis, les promesses, les kakato, les yannekos, les et ma voix, et ma voix, maman. Et ma voix maman, et ma voix maman. Maman, kobota mwana, kopesa e libele po akola. Ako sombela ye pusupuswa libaya po atambola noki. Yabiso kokola minondo, minondo tomo nandelate. Bayaya batinga mi mabele bape si tiso bibero ya mayo. Tobeli kwa shor koro e. Oh mama, mama mama. Et ma voix est, et ma voix maman, et ma voix est, et ma voix maman. Le monde est méchant, et le monde est méchant. Le monde est ingrat, et le monde est ingrat. Tous la féminine, les camboyants, la situation change à Kateo. Tous à la qui va la vie, qu'est pas sans ce cacato, comme il connaît. Tous pas sans ce mingi, va promettre ce cacato, qu'il y a des coups. Et ma voix est, et ma voix maman, et ma voix est, ma voix quoi ni maman. Ah. Oh yeah, en direct de l'Afrique centrale, Sam Mangwana, Dombé, Rompetoun. Le monde est ingrat, le monde est ingrat. Nous la paix, la situation change à Kateo. Nous la kibana, mike patience, c'est kakato, comme il connaît. Nous patiente, mingi, ba promesse, c'est kakato, koyane, kosilae. Et ma voix, maman. Et ma voix, maman. Et ma voix, ma voix, quoi, ni maman. Et ma voix est, et ma voix maman, et ma voix est, ma voix quoi ni maman, et ma voix est, et ma voix maman, et ma voix est, ma voix quoi ni maman. Le monde est méchant, et le monde est méchant.